téléphone. Allô? Allô, l'hôtel Zanzibar? Oui, monsieur. Dites donc, à quelle heure ouvre le bar? Monsieur, il ouvrira à 7h demain matin, monsieur. Vous pourriez pas le faire ouvrir avant? Non, monsieur. Je m'excuse, je suis la standardiste et je vous réponds qu'il ouvre demain à 7h. Vous pourriez pas le faire ouvrir avant? Non, monsieur, ce n'est pas la peine. N'insistez pas. Au revoir, monsieur. C'est quelqu'un, ça? Je vais boire encore un coup. Ah, oui, le téléphone. Je vais y retéléphoner. Allô? Allô? L'hôtel Zanzibar? Oui, monsieur? À quelle heure il ouvre le bar? Écoutez, monsieur, on m'a déjà téléphoné, je vous réponds à 7h demain matin. Vous ne pourriez pas le faire ouvrir... Vous pourriez pas le faire ouvrir spécialement pour moi? Non, monsieur, c'est inutile d'insister, monsieur. À 7h demain matin. Allez vite dormir, parce qu'on sent que vous avez beaucoup bu, monsieur. Voilà. Bon dodo. Eh bien, non, je voulais vous demander... Au revoir, monsieur. C'est quelqu'un, ça? Je vais encore revoir un coup. Il y a des azous dans mon café. Zing, zing. Et monsieur... Je vais y avoir téléphoné. Je n'aurai pas la fatigue. Mais... Allô? Allô? L'hôtel Zanzibar. Oui, monsieur. Écoutez, monsieur, vous commencez par fatiguer. Le bar ouvre à 7h demain matin. Puis c'est tout. Alors fichez-moi la paix. Allez vite dormir. Pourquoi vous n'allez pas dormir? Je peux pas. Pourquoi? Je suis enfermé dans le bar.